Alhamdulillah Rabbil Alameen. Darwoon est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Qala an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière et ça je lui dis, ad-dinu an-nasiha, la religion est le bon conseil, où la religion se base sur le bon conseil. Qulna liman, on a dit pour qui, c'est-à-dire à qui on fait ce bon conseil. Qala lillahi, il a répondu à Dieu. Wa li kitabihi, il y a son livre. Wa li rasulihi, il y a son messager. Wa li a'immati al-muslimin, et aux imams des musulmans. Wa ammatihim, il y a la totalité des musulmans. Rawahu al-imam muslim, rapporté par l'imam muslim. Ad-din al-nasiha, la religion se base sur le bon conseil. Qulna liman, on dit à qui? Qala lillah, il a répondu à Dieu. Sihat al-iman bihi wal-ikhlas fi ibadatihi, on fait le bon conseil à Dieu lorsqu'on a une foi, une croyance véridique, valide, wal-ikhlas fi ibadatihi, et lorsqu'on a la sincérité lors de l'adoration. Et tant qu'on fait cet effort pour atteindre ces deux, ça veut dire on fait le bon conseil. Wa li kitabihi, et à son livre, at-tasdiqu bihi, c'est-à-dire croire en lui, en ce livre. Wa iltizamu tilawatihi, et le lire régulièrement. Wa al-amalu bi ahkamihi, et d'agir selon ses principes. Wa li rasulihi, et à son messager, at-tasdiqu bi risalatihi, c'est croire en son message. Wa ita'atu amrihi, et obéir à ses ordres. Wa at-tamassuki bi sunnatihi, et de respecter sa sunna. Wa li a'immatil muslimin, et aux imams des musulmans. Bima'na li hukam al-muslimin, ça veut dire aux dirigeants musulmans, aux responsables musulmans. Bi i'anatihim 'ala al-haqq, qu'on les aide lorsqu'ils font ce qui est bien, lorsqu'ils font ce qui est de droit. Wa ta'atihim fi ghayri ma'siyah, et d'obéir à ses dirigeants lorsqu'ils nous ne demandent pas de faire un péché. Wa taqwimi wijajihim bil ma'ruf, et de corriger leurs erreurs avec les bonnes manières. Wa 'ammatihim, et la totalité des musulmans, ma'na li afrad al-muslimin, c'est pour tous les musulmans, les membres musulmans. Wa jama'atihim, et au groupe des musulmans. Bi irshadihim ila ma fihi salah dunyahum, en les guidant, en les orientant, en leur indiquant ce qui est un bien pour leur vie ici-bas. Wa ukhrahum, et pour leur vie ultime. Wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar, et en leur demandant de faire ce qui est du bien et en leur déconseillant de faire ce qui est mal ou mauvais. Fa an-nasiha wajiba fil islam, donc le bon conseil, le conseil est une obligation et obligatoire en islam. Wa biha yadumu al-khayr, et grâce au bon conseil on pérennise le bien dans la communauté musulmane. Qala Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, Jarir fils de Abdullah, que Dieu soit satisfait de lui, dit: bay'tu Rasulallah, j'ai prêté allégeance au messager de Dieu, prière et salut sallallahu alayhi wa sallam. Sur quoi tu as prêté cette allégeance? Ala iqami as-salat, à accomplir la prière. وإيتاء الزكاة يا أكيتي لا زكاة ونصح لكل مسلم et de donner le bon conseil à tout musulman متفق عليه unanimement authentique. هذا الحديث يبين قيمة النصيحة وضرورتها. Ce hadith nous montre l'importance et la valeur du conseil. إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم jusqu'au point que le messager de Dieu prière et sage lui طلبها في البيعة l'a demandé, c'est-à-dire a demandé le bon conseil dans l'allégeance, dans la formule d'allégeance, وجعلها مساوية للصلاة والزكاة, et il a fait du conseil quelque chose égal à la prière et à la zakat. هكذا نفهم, ainsi on comprend, أن النصيحة واجب على الناصح, on comprend que le conseil est un devoir pour le conseilleur, وحق للمنصوح, il y a un droit du conseiller, celui qui reçoit le conseil, c'est son droit. فمن راى مسلما في طريق خطا ولم ينصحه, celui qui va voir un musulman sur le chemin de l'erreur et ne lui fournit pas le bon conseil, فقد ضيع الواجب, il a failli à son devoir امام الله, devant Dieu. ومن رفض النصيحه فقد رفض حقا, et celui qui refuse le bon conseil a refusé un droit امام الله, devant Dieu. ولا يمكن لمسلم صادق ان يرى اخاه في طريق الخساره الدنيويه او الاخرويه, il n'est pas possible pour un musulman sincère qui voit son frère ou une musulmane sincère qui voit sa sœur sur le chemin de la perte dans ce bas monde ou dans l'au-delà, ويسكت, et il garde le silence. قال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et sage lui, لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه, l'un de vous n'est vraiment croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même, متفق عليه, unanimement authentique. ولا يمكن ان تحب الخير لاخيك او لاختك من غير أن تنصحه وترشده لهذا الخير, et il n'est pas possible que tu aimes vraiment le bien à ton frère ou à ta sœur sans lui fournir le bon conseil et sans lui indiquer le bien où il se trouve. والنصيحة هي مهمة الأنبياء, le bon conseil, donner le bon conseil était la mission de tous les prophètes. قال نوح عليه السلام, Noé prière et sage lui dit, في آية كريمة لقومه, il dit dans un verset coranique en parlant avec son peuple, أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون, je vous transmets les messages de mon Seigneur, je vous donne le bon conseil et je sais de la part de Dieu ce que vous ne savez point. وقال هود لقومه, وقال هود عليه السلام لقومه في آية كريمة, هود prière et sage lui, de la même manière, a dit à son peuple dans un verset coranique, أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين, je vous transmets les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller légal et honnête ou loyal et honnête. فهمنا الآن أن النصيحة واجبة لكل المسلمين كبيرهم وصغيرهم وعالمهم وجاهلهم. Nous avons compris maintenant que donner le bon conseil est obligatoire, est un devoir pour tout musulman, ou est un droit à faire à l'égard de tout musulman, qu'il soit grand ou petit, ou qu'il soit savant ou ignorant. ولكن السؤال الذي يطرح كيف ننصح, mais la question qui se pose, comment doit-on fournir le conseil? يعني هناك من يسمع هذا الكلام أو سمع هذا الكلام وبدأ ينصح كل الناس. Il y en a celui qui a entendu ou qui a lu ce genre de choses et il a commencé à conseiller tout le monde. كيف ننصح, comment doit-on fournir le conseil en islam? كما نريد, comme nous voulons, أم هناك قواعد للنصيحة, ou bien y a-t-il des règles du conseil? الجواب نعم فيه قواعد, la réponse oui mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de règles. وأبدأ بالنقطة الأولى, et je commence par le premier point. النصيحة Ba'idan anin nas. Le conseil doit être donné loin des gens. مش هنا امام الناس كلهم تقول واحد يا فلان فعلت او فعلت. C'est pas le conseil ne se donne pas devant les gens. Par exemple, ici tout le monde regarde et tu dis à quelqu'un tu as fait telle erreur. في كثير من الاحيان à beaucoup de reprises en plusieurs fois ترى انسانا باسم النصيحه, tu vois quelqu'un au nom de du bon conseil, يقول لأخيه خطأه أمام الناس. Il dit à son frère son erreur devant les gens. هذه ليست نصيحة. Ce qu'il a fait, ça s'appelle pas un conseil. ولكنها لطمة وفضيحة. Il s'agit là d'une gifle, d'une bonne gifle, d'un déshonneur أمام الناس devant les gens. قال الإمام الشافعي. L'imam Shafi'i dit ta'ammadni bi nusihika fi infiradi, donne-moi le bon conseil lorsque je suis seul, wa jannibni an-nasihata fi al-jama'a, et évite de me le faire devant les gens. Fa inna an-nusha bayna an-nasi naw'un min at-tawbih la arda istima'a, parce que le conseil devant les gens est une sorte de réprimande que je déteste, que je ne supporte pas entendre. Wa in khalaftani wa asita qawli fala tajza idha lam tu'ta ta'a. Mais dans le cas où tu fais le contraire et tu n'obéis pas à mes dires, ne t'étonne pas si je te donne pas ou je fais pas obéissance. Ta'ammadni bi nusihika fi infiradi وجنبني النصيحة أمام الجماعة أو في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فالنصيحة أداة بناءة. Le bon conseil est un instrument constructif. ولكنها إذا أسيء استعمالها تصبح سلاحا هداما. Mais lorsqu'on mal utilise cet instrument, il devient une arme destructrice. مفرقا بين المسلمين, qui sépare les musulmans. يؤدي الى الخصومات, qui mène vers les disputes, الى اخره. النقطة الثانية, le deuxième point, الإخلاص. La sincérité. تريد ان تنصح انسان. Tu veux donner le bon conseil à quelqu'un. تسأل في نفسك. انا لماذا احب ان انصح هذا الانسان. Pose-toi la question. Pourquoi je veux donner le conseil à ce quelqu'un. Pourquoi. Cherche en toi-même les raisons avant de parler. ابحث في اعماق قلبك. لماذا تحركت وتريد ان تنصحه. ان تقول في نفسك. Tu dois dire intérieurement, سأقدم هذه النصيحة خالصة لله فقط. Je vais fournir ce bon conseil uniquement pour Dieu, sincèrement, 100% à Dieu. بهذه النصيحة اليوم سأعبد الله. Avec ce bon conseil, je vais aider quelqu'un. Avec ce conseil, aujourd'hui, je vais adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala. An-nasiha, ibadatun sirriya. Le bon conseil est une adoration discrète, privée. Wa tukhbir al-mansuh, annaka lan taqul shay'an lin-nas. Et tu informes bien celui que tu veux conseiller, comme quoi tu vas rien dire aux gens de ce qui se passe entre toi et lui. Hunaka man yansah ba'idan 'anil-nas. Il y en a celui qui donne le bon conseil loin des gens. Et après il part vers les gens. Et il dit aux gens un par un. Vous connaissez Foulan, telle personne. Il a commis une erreur. Et je lui ai dit, je lui ai dit. Je l'ai mis à sa place. Wallah, et je lui ai parlé. Il s'agit là d'un déshonneur. Mette la tariqa l'oula exactement comme la première façon. Il ne s'agit pas là d'une adoration. Il s'agit là d'un péché. Man sayarfudu nasihataka ya akhi ou ya ukhti idha qulta lahu. Qui, frère ou sœur, va refuser ton bon conseil dans le cas où tu lui dis, bien sûr, loin des regards des gens, أقسم لك يا أخي بالله. Je jure par Dieu devant toi أن هذه النصيحة لن يعرفها أحد. Je jure que ce bon conseil, personne ne le connaîtra. Je vais mourir avec ce conseil. Il entrera avec moi à ma tombe. Ça veut dire le maximum de secret. C'est yuhibbuk. Il va t'aimer. وَيَتْبَعْ كَلَامَكَ. Et il va suivre tes recommandations. النُقْطَ الثَّالِثَ. Le troisième point. عَدَمُ الْإِجْبَارِ. Ne pas contraindre. Ne pas contraindre. Ne pas forcer. تُحَاوِلْ أَنْ تُقْنِعْ. Tu essaies de convaincre, mais tu n'essaies pas de contraindre. Ton devoir devant Dieu, ton adoration, c'est de fournir le bon conseil. Et le conseiller, celui qui a reçu le bon conseil de ta part, il est libre, tu ne peux pas le forcer. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Et il sera jugé par Dieu. Tu ne vas pas le juger, tu ne vas pas dire aux gens, celui-ci, je lui ai dit, wallah, il n'a pas voulu écouter. Où est le nasiha? Où est le bon conseil? Où est l'adoration de Dieu? Istamil ma'ahu ahsan usloub. Utilise avec lui le meilleur, la meilleure façon qui existe. Istamil al-hikmah. Utilise la sagesse. Istamil ad-du'a bi dhahri al-ghaib lil mansouh bil hidayah min Allah wal maghfirah. Fais des invocations en cachette entre toi et Dieu en faveur de celui que tu as conseillé ou celui que tu veux conseiller, que Dieu le guide, que Dieu lui pardonne ses péchés. C'est ton frère musulman, c'est ta sœur musulmane. Wa hunaka mulahada, il y a une remarque. الذي يحب ان ينصح لابد ان يتعلم. Celui qui veut fournir les bons conseils, il doit d'abord apprendre. العلم والحكمة, il doit apprendre la science et la sagesse. كيف ستصنع وانت جاهل, comment vas-tu faire et tu es un ignorant. وربما نصيحتك فيها جهل وخطا, et il se peut que ton conseil contient l'erreur, le faux et l'ignorance. خطأ في المضمون أو خطأ في الشكل, une erreur dans le contenu de ton conseil ou une erreur dans la forme, comment tu vas présenter le conseil. فترفض نصيحتك, et ton conseil sera refusé. أوصيكم في الأخير ونفسي بتقوى الله. À la fin je vous recommande et à moi-même la piété de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, بعدما ذكرنا بقواعد النصيحة, après que nous avons rappelé brièvement les règles ou les bonnes manières en islam de comment fournir le bon conseil à quelqu'un, أقول كلمة عن الذي ينصح الناس أو ينصح الإنسان أخاه أمام الناس. Je vais dire un mot à propos de celui ou celle qui fournit le bon conseil ou le mauvais conseil devant les gens. أقول أولا هذا الشخص مريض. La première des choses, je dis que ce frère ou cette sœur est malade. أولا, premièrement, pourquoi donne-t-il le bon conseil devant les gens? Imma mukharrif yurid an yudhik an-nas bi insan muhtaram. C'est quelqu'un qui veut faire rire les autres sur son frère en disant des défauts, des erreurs de son frère. Il veut seulement faire rire les gens. Wa hada marad, il s'agit là d'une maladie. Wa imma yurid an yudhhir lin-nas annahu a'lam. Ou bien il veut montrer aux gens qu'il est le plus savant que l'autre, que le conseiller. Ya akhi limada turid an tubayyin linnas, anta bayyin lillah. Pourquoi mon frère ou ma soeur tu veux montrer aux gens? Tu adores les gens, tu adores Allah, montre à Dieu, Dieu il sait ce que tu es. Yurid an yubayyin linnas annahu ahkam. Il veut montrer aux autres comme quoi il a le pouvoir. Il ose faire des remarques aux autres et les autres ne répondent même pas devant lui. Hada marad, il s'agit là d'une maladie. An-nas سيكرهونك هؤلاء الناس الذين تريد أن تبين لهم وتبين لهم سيكرهونك أنت تريد أن يحبوك أن يحبونك هم سيفعلون العكس سيكرهونك لأننا لا نحب إنسانا لا أخلاق له يذل الناس أمامنا les gens vont te refuser vont te détester وأكبر من هذا et plus que ça ستجعل عدوا. Et en plus de ça, tu vas gratuitement faire pour toi un ennemi. Celui que tu conseilles, il va te détester. Il va essayer même de te descendre par la suite. Et plus que ça, plus que ça, que Dieu va te détester. Et le messager de Dieu, prière et sorti, va te détester. Subhanallah. Finesse. يحبون أن يجعلوا من إخوانهم أو من أخواتهم سلاما يصعدون عليه. Gloire et pureté à Dieu. Il y a des gens qui veulent faire de leurs frères ou de leurs sœurs une échelle sur laquelle ils vont monter des niveaux vers le haut et rabaisser leurs frères ou leurs sœurs. Subhanallah. تضع رجلك على ظهر أخيك تسقط أخاك وتصعد أنت. Gloire et pureté à Dieu. Tu poses ton pied sur le dos de ton frère, tu l'écrases, tu le rabaisses pour que tu montes devant les gens. Ayuhibbu an yuf'ala lahu nafs ash-shay' man yaf'al hadha, celui qui fait cela veut-il, accepte-t-il qu'on lui fasse la même chose? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous n'est vraiment croyant que lorsqu'il aime pour son frère ou pour sa sœur ce qu'il aime pour soi-même. Qui parmi nous accepte que quelqu'un le rabaisse devant tout le monde? Si tu n'acceptes pas, s'il te plaît, ne le fais pas aux autres. Idha kunta la tarda fan-nas kadhalik la yardawn. وفي الأخير أقول لهذا الإنسان الذي ينصح الناس أمام الناس à la fin je dis à celui qui ose faire des bons conseils devant tout le monde pour montrer qu'il a la puissance ou qu'il a le savoir ou pour faire rire etc. توب إلى الله, repends-toi à Dieu. إذا بقيت هكذا, si tu restes ainsi, سيفضحك الله في الدنيا والآخرة. Si tu restes ainsi, tu te comportes avec les serviteurs, avec les serviteurs de Dieu, ainsi tu seras dévoilé dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà par Allah Ta'ala wa Tabarak. L'islam dit, l'islam yaqul man satara musliman satarahu Allah, yani fi dunya wa khususan fi al-akhirah. Celui qui ne dévoile pas un musulman, Dieu ne le dévoile pas, ça veut dire ici-bas et dans l'au-delà. Bima'na al-mukhalafa, avec le contraire, on comprend alladhi yafdah an-nas sayafdahuhu Allah. On comprend que celui qui dévoile les gens qui parlent des défauts ou des erreurs des autres, Dieu va montrer, va le publier ou va publier ses erreurs devant tout le monde. Wa fil akhir, et à la fin je dis akhi ukhti wallahi min al-ayb an tatakallama أمام أمك عن أخطاء زوجتك. De la même manière, mon frère, tu ne dois pas du tout, c'est un grand défaut, c'est une erreur mortelle que tu parles devant ta maman, tu t'adresses à ta femme et tu dénonces ta femme ou tu dis les erreurs de ta femme. هذا الهدم, il s'agit là de la destruction massive du divorce. هذا الطلاق يا أخي تريد أن تتكلم مع زوجتك. قلنا النصيحة بينك وبين زوجتك. Tu veux donner un bon conseil à ta femme, ne lui donne pas un mauvais, donne lui un bon entre toi et elle. يا أختي تريد أن تنصحي زوجك, لا تنصحيه أمام أبيك أو أمام أخيك أو أمام أمك. Et ma sœur, tu veux donner un bon conseil à ton mari, ne le descends pas devant ton père, devant ton frère, devant ta mère, ou je ne sais pas quoi, ou devant les voisins. مصيبة هذه التي تخرج في الصباح وتقول للنساء زوجي مصيبة يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. C'est une grave erreur pour la sœur qui sort le matin et qui parle avec ses voisines ou ses copines, les musulmanes ou autres. Mon mari a ce défaut, il a ce défaut, il a ce défaut. Et dis tes défauts toi aussi, ma sœur. C'est le déshonneur, c'est le scandale gratuit. Ou musiba kadhalik ya akhi, annak tafdah waladak amam an-nas min sigharihi ila kibarihi. L'autre grande erreur, c'est que tu déshonores ou tu dévoiles les défauts, les erreurs, ou tu corriges ton fils ou ta fille devant ses amis, devant la famille, depuis son bas âge jusqu'à son âge adulte. Il est interdit en islam de faire ça. Tu veux corriger ton fils entre toi et lui, tu veux corriger ta fille entre toi et elle. Peut-être même pas devant ses frères et devant ses sœurs. Hadi al-nasiha fil islam, tel est le bon conseil en islam, entre toi et celui que tu veux conseiller. Et n'oublie pas que Dieu regarde. Et n'oublie pas que c'est une adoration. Tu peux atteindre les plus hauts degrés du paradis grâce à ce comportement musulman. Wa fil akhir, ismahouli an uqaddim lakum nasiha. Et à la fin, permettez-moi de vous donner un bon conseil. يبدأ اليوم بمدينة كورباي المؤتمر السنوي. Aujourd'hui démarrera dans la ville de Corbeil le congrès annuel. وسيكون بالملعب بجانب كوكيبوس. Donc il y aura dans le gymnase qui est à côté de كوكيبوس. فمن اليوم مع الساعة السادسة والنصف. Aujourd'hui à partir de 18h30 après العصر. وسيبقى إلى يوم الأحد بعد العصر. Et ça va durer d'aujourd'hui jusqu'à dimanche après Al-Asr. Il y aura dans ce congrès des sheikhs et des docteurs nobles et notables comme al-sheikh Safwat Hijazi et comme al-docteur Rida Bashir wa zawjatihi qadimin min Canada, comme le docteur Rida Bashir et son épouse spécialiste dans le domaine de l'éducation venant du Canada. Wa sayakun kadhalik Hani Ramadan, il y aura de la même manière le docteur Hani Ramadan venant de la Suisse. Wa mawdou' al-mu'tamar hawla at-tarbiyah, et le sujet du congrès est autour de l'éducation. Nahnu nata'awan, on s'entre-aide. ليس المهم أن يقوم هذا المسجد بالمؤتمر أو المسجد فلاني. نحن نريد الربح لكل المسلمين. On cherche le bien et la réussite pour tous les musulmans. فحاولوا الحضور في هذا المؤتمر وجزاكم الله خيرا أو خير الجزاء. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت، إن كنا على الخطأ، إن كنا في طريق لا يرضيك، يا رب يا من لا إله إلا أنت، سخر لنا عبدا من عبادك صالحا يرشدنا إلى الصواب، ينصحنا بالتي هي أحسن، كي نتوب، كي نستغفرك. يا رب علمنا ما جهلنا، علمنا ما يرضيك عنا. يا رب طهر قلوبنا، حسن أخلاقنا، زدنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك في الأخير على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.